Tout-Puissant, notre Père Céleste, c'est pour nous un grand privilège dans l'amour de Dieu de nous approcher de ton trône, croyant que tu existes, que tu es le chef des chefs, le maître de maître, le Dieu de tous les dieux, l'autorité suprême et souveraine, Dieu immuable et incomparable. Tu es le rémunérateur de ce qui te cherche. Tu es la source de paix pour nos cœurs, la fontaine du salut qui sauve tous les humains. Tu as le dernier mot en toute chose. Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne sur la terre. Que ta volonté soit faite ici-bas. Comme elle est accomplie là-haut. Apprends à nos cœurs ta crainte. Que nous soyons chacun la crainte de Dieu. La haine du mal. L'amour de la vérité. L'amour de ta volonté. L'amour de ton royaume, l'amour de la sainteté. Purifie l'église par le sang de Jésus Christ. Purifie nos êtres et reflète ta gloire. Que le règne du péché prenne fin, l'esclavage pour tous ceux qui croient, que cela prenne fin, l'esclavage de l'incrédulité, de la peur, de l'incertitude, de la domination des ténèbres, des esprits des démons. Que cela prenne fin. Règne maintenant maître absolu, règne un roi éternel sur chaque âme, sur chaque esprit. Invoque ton nom et crois à toi. Prends le contrôle de la scène pour le culte et la réunion. Sois le roi au milieu de nous. Domine toi-même, Seigneur. Pour les esprits impurs qui défient le nom de Jésus. Maintenu en dépendance. Réduit à l'impuissance. Venu sous la domination de ce grand nom, de ce grand roi. Dieu qui domine partout. Dieu domine dans l'église ici. Domine partout où les chrétiens rassembler et faire sa domination. Au nom de Jésus Christ, Dieu de la main, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur ici dans la Bible par la foi. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Nous prenons le verset 6. À 12. Il arriva un autre jour du sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais ils connaissaient leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il s'éleva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Na sabata mususu, akotaki na eyangene lompe anakisaki. Pe motomoko asalaki wana, lomoko na ye na mobali e kaukaki. bakomeli mpe bafalisai bakengelaki ye kotala soki akobikisa ye na sabata ete bazwa nzela ya kofunda ye ye nde ayebaki makanisi na bango mpe alobaki na mobali oyo na loboko lekaokaki ete telema na katikati mpe atelemaki bongo Yesu alobaki na bango ete natuna bino ekoki kosala mosala malamu na sabata soki kosala mabe kobikisa bomoi ekoki soki kobebisa yango esili ye kotala bango nyonso alobaki na ye ete sembola loboko na yo asembolaki bongo mpe loboko na ye ebikaki bango nde batondaki na kanda mpe basosolanaki soki bakosalelaka yesu likambo nini na mikolo yango abimaki mpe akendaki na ngomba mpo na kobondela awumelaki wana butu mobimba na kobondela nzambe Luc chapitre 17 verset 30 Luka mukapo ya zomi na sambo mulongo ya tukumisatu Il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. Ekozala lokola makambo oyo na mokolo ekomonana mwana na moto. Acte des apôtres chapitre 3 Misala na bantoma mukapo ya misatu Verset 20-21 Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Ekoki ete aumele na likolo kino na tango na kobongisa maka na makambo nyonso yango elobaki nzambe na minoko na basakoli na ye na bule longwa na kalakala. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Kete nzambe apambola botangi elobe na yo mosantu. Na bongo bokokinde kovanda na kombo na nkolo na biso Jésus-Christ. Dans l'amour de Dieu et dans la foi. Kati na nzambe. Nous souhaitons à chacun de vous la bienvenue à la table du Seigneur. Bienvenue ici devant Dieu. Que votre amour pour lui croisse. La maturité et la perfection. Et notre amour pour lui soit de plus en plus fort. Que notre ressentiment de sa présence soit de plus en plus réel. Que Seigneur devienne plus réel pour chacun de nous. Plus réel chaque jour. Plus glorieux et merveilleux. Méritant plus d'amour de notre part. Et que nous sentions que sans lui, nous ne valons rien. Il est la personne la plus indispensable. La personne la plus incontournable. Il est l'esprit qu'il nous faut chaque jour. Le secours adéquat. Le secours parfait. Le tout suffisant. Sans lequel rien n'est possible. Il faut que nous puissions ressentir ce grand besoin au-delà de nous. Avoir faim et soif de Jésus-Christ. Il devienne la portion qui nous satisfait. Donc la grande puissance dont chacun a réellement besoin. La grande puissance. Ou les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Ou l'Allemagne d'autrefois. Ou la France du 18e siècle. Ou l'Europe du 19e siècle. Ou l'Europe du 19e siècle. Britannique et tout ceci. La Britannique et tout ceci. Ou les États-Unis d'Amérique du 20e siècle. Ou les États-Unis d'Amérique du 20e siècle. Maintenant on est au 20e siècle. 21e siècle d'ailleurs. Toutes ces puissances passent et tombent à défaillance. Mais il y a une seule puissance éternelle. Un seul royaume qui ne passera jamais. Qui a toujours été et qui reviendra. Mais qui existe aussi dans le spirituel. Pendant que les hommes du monde sont en train de voir. Ce royaume existe et c'est le royaume de Dieu. Nous vous disons qu'il est proche. Le royaume de Dieu est proche. Je pense que c'est vrai que chacun de nous se répande. Oui, à lire une citation. Tiré de la prédication, les âmes qui sont en prison maintenant. Mais, là-dedans, à la place du mot reproduit, ou reproduction, le frère Brenham a utilisé le mot réincarné. Ou réincarnation du ministère. Nous ne pensions pas abonder sur cette situation et c'est toi même dit. Mais à la fin de la prédication, nous sommes rendus compte qu'en fait, ça a pris vraiment presque la moitié ou si pas les trois quarts de la prédication. Nous avons dit que et c'est au fait le ministre de Jésus-Christ réincarné. Et beaucoup d'entre nous croyaient ça. Et le Brenham m'a dit qu'il le croit avec vous. Et nous aussi au tabernacle chrétien, nous croyons ça avec le Brenham. Et vous dites quoi? Vous au tabernacle, vous croyez à la réincarnation? Oui, mais pas la réincarnation des hommes physiques. Mais la réincarnation du ministère de Jésus-Christ. Parce que concernant la réincarnation des hommes physiques, comme il est prêché en tant que doctrine chez les occultistes, c'est une fausse doctrine. Le quoi les allez porter à manabatoy baben na kamili mumabe, les allez mater à mabe. La réincarnation des hommes. Mutu akotikati na mutu. Et dans cette fausse doctrine, on la conçoit comme étant que l'être humain doit passer par plusieurs cycles de vie avant d'atteindre la maturité ou la perfection. Na bongo na lité yango bazali komi banzela na kolobete. Et plusieurs cycles de vie venir sous quelque forme que ce soit, c'est toujours la même personne qui revient. Mais comme le diable aime toujours trouver des arguments dans la parole pour donner une apparence de sainteté à ses faussetés, Lorsque ces agents du diable appelés occultistes rencontrent les chrétiens, et qu'ils sont à bout des arguments forts, ils vont se référer à Jean chapitre 9. Quand vous prenez Jean chapitre 9 verset 1, à 3, il est écrit, je suis vu en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alors, eux s'arrêtent au verset 2. Mais ils ne prennent pas la réponse au verset 3. Bonjour. Le diable pervertit toujours la vérité. Il prend une partie, il prend un morceau et il déforme. Et c'est ce qu'ils qui sont dans la religion de l'Ekankar. Et même dans la religion du bouddhisme. Parce que même les bouddhistes croient à la réincarnation des hommes physiques. Et les Kimbanguistes aussi, à côté de nous ici en Afrique, ils croient aussi à la réincarnation des hommes physiques. Je vais illustrer pour vous aider à comprendre. Nous vivons avec ce genre de gens. Mes amis, ce sont les sorciers. Passez-moi les mots. Là, c'est ce qu'ils disent. C'est moi Kimbangu le père. Simon Kimbangu tata. Il a commencé son ministère le 6 avril 1921. Il est en phase ici au Congo d'être honoré. Vous voyez ça? Et ils auraient considéré que 30 ans après l'arrestation de Simon Kimbangu, le Congo belge devait obtenir son indépendance. Simon Kimbangu, Congo, oh, il a été emprisonné, il est mort en prison. Mais on a prétendu qu'il était apparu en Bazangungu. Et qu'il était allé libérer les rois des Belges en Allemagne qui avaient été fait prisonniers là-bas. Il y a beaucoup de traditions orales dans cette religion. On dit que les rois, tout ça, il avait demandé le secours de papa Simon Kimbangu à partir de sa prison là-bas à Tisiville, donc au niveau de Lubumbashi. Il a rassuré, il a pris je ne sais pas quoi, puis il est allé là-bas, il a libéré les rois des Belges, à partir de là le roi lui a promis l'indépendance du Congo. Il a dit, alors, lui, il est décédé. Mais en 1958, son fils Diangenda, il crée l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. EJSK. EJSK. Bon, ce n'était pas Simon Kimbangu qui a créé l'église de Kimbanguiste. Mais c'est son fils, Diangenda. Alors, Diangenda a été considéré comme le fils du père. Et après lui, après sa mort, il fallait lui trouver un remplaçant à la tête de l'église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Et après le Dialungana, il y a Gisolokele, un autre fils de Simon Kimbangu. Et tous les trois, ils sont morts. Maintenant, quand les trois sont morts, eux, les Kimbangistes avaient espérance. Que papa avait promis de revenir. Et tata à la Il devait donc se réincarner dans un des fils de ses fils. Alors finalement, à la mort de cette série de trois fils du père Kimbangu, le dévolu est tombé sur Kimbangu Kiangani, l'actuel représentant légal de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Il est le petit-fils de Simon Kimbangu. Mais dans la croyance de ceux qui sont derrière lui, cet homme-là, il est papa Simon Kimbangu réincarné. Et de même que papa Azalaki Nzambe. De même, celui-là qui est là, il est Dieu. Lokola bango moko balobaka ete, lokola papa Simon Kimbangu yende Nzambe. Na bongo, oya bota nwa yemoko yeko mibota, na bakoko na yewana, azalipe Nzambe. Et vous avez entendu un des vieux cachers ici le dire maintenant en public dernièrement. Oui. Quand les nouvelles sont sorties, il dit que Motonangenge a koufi. Et lui a fait le démenti, on l'a surpris ici au Bidik Bobila, il a fait la vidéo. Mais il dit que celui qui les garde, hein, c'est si papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est son Dieu. Nabongo, et dit que Motonangenge converti à la religion Kimbangu. Mabongo edingo oyo kachera yebanaki awa yakala tango lobake takufaki kasi atalisaki bilingi na ye kuna na esika bakatisaka mai pona kokende Brazza me atalisaki bilinga lobi ya kufite azali na oyo abatelaka ye ye oyo abatelaka ye azanzambe na ye oyo achela ka motema papa Simon Kimbangu Kiangani oyo abotami mikololo wana edingwe moto na ngenge il dit ça Simon Kimbangu Kiangani est Dieu, il est son Dieu. Voilà. Ce ne sont pas des histoires que j'ai apprises. J'ai la vidéo. Ouais, c'est la chaîne sacrée de Dieu. On ne vient pas raconter des histoires. On ne vient pas ici pour raconter sa vie. Mes chers amis, soyons sérieux. Tout autour de nous, il y a des gens qui croient à la réincarnation. Papa, le bac à Kozonga. Depuis qu'on est au Bonga. Mon Dieu. C'est comme cette théorie qui existait ici d'un papa là qui tenait le livre d'or de la République démocratique du Congo. Il tenait le livre d'or. Et ça qui n'est pas solo au Banako Betao. Et Mukanda ya Oya Congo Mobimba Pue Bungana Makamunosu. Et ça n'a tata mokonde azanango. Le jour où il va parler, alors vous verrez le Congo changer. Les gens ont Christ comme une religion. Mais un jour, cet homme-là est devenu premier ministre ici au Congo. Et c'était devenu la polémique de Yandi Vé, Yandi Kaka. Et après un temps, non, il est trop vieux, il a démissionné. Oh, akoli ko sala musala lisusu malamu te. Eh, mais dans les transports, c'était tout le temps. Fumu mbenga, betu mekuma. Bon. Et c'était ça que les gens parlaient au Congo. Ah, on a dit ça parce que on commence à poser la question. Mais le livre d'or en question, c'est quoi? Mais un livre d'or, c'est un livre dans lequel les autorités viennent signer, laisser quelques paroles qu'ils sont et tout. Rien d'autre que du protocole. Zokande. Nabami tu katangu bato banda kokota lisolo mususu ezalite ezali bobele. Mukonza bengi. Na toke ndo toke ndate. Ndio zaraki. Baya kotuna. Mukanda ngo ya wolo ezani. Zokande nenga balobaka na maloba. Mukanda ya wolo ezali nda mukanda oyo bakonzi. Makoma kama makabu mukuna na kati ezali bobele. Mukanda oyo koyambelaka na ngo bato koyanga na bato esi. Vraiment amené que la politique est pourrie jusqu'au cœur. Amen. Ne comprenez pas le bien que vous voulez que pour la pensée. N'attendez rien de là. Vous allez là comme vous connaissez. La plupart des temps, c'est une bande de gros menteurs et des escrocs. Mingi n'a pas tant pas besoin de la politique. Bah, quoi si m'pè m'yibi. Mais ils savent parler. Quoi n'a koloba, ma yibi. Comme si le ciel va tomber quand il parle. Soki bango balobe okanisa ete lolo koko elemiso na mutu. Méfiez-vous de tout ça. Okipata bango te. Cherchons le royaume de Dieu. Prenez le combat pour continuer ensemble. Amen. Bongo. Et dans la vérité du royaume de Dieu, les êtres humains ne se réincarnent pas. Bato bakufa kavoya kubota marisusu te. Dans la vérité du royaume de Dieu, yete na bosalo oyo ya bokonzi na Nzambe. Il est écrit ceci, Hébreux chapitre 9. Le verset 27, et comme il est réservé aux hommes, amen, de mourir une seule fois, après quoi Dieu le jugement, verset 28, c'est même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Bon go papa na Christo. Awa esiliye kotombwa mbala moko pona komema masumu na bato mingi. Akomona na mbala na mibale pona masumu te nde pona kobikisa bango bazali nde kotale na ye na mposa. Il réserve aux hommes de vivre, de mourir combien de fois? Et pesa bali batate bakufa mbala boni. Or, la mort c'est la cessation de la vie. L'homme a un seul cycle de vie. Moto abika kambala moko. Sous le soleil. Na sena mwesa. Il a un seul cycle de vie. Akobika mbalo tele moko. Ici sous le soleil que vous voyez. Na sena mwesa ndeto komona kabuyi. Et dans Ecclésias au chapitre 9. Mpe na mwesa koli mukapwa libo. Une autre vérité biblique qui doit asseoir parce que c'est le témoignage déjà. Et bonsoir à monsieur Sabine. Nous sommes en train de dire. Oye sengelete. Ecclésiaste au chapitre 9, verset 5. Les vivants, les faits, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Attention. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Amen. Mpote batona bomoui, bayebi ete bakokufa. Mne bakufi bayebi likambote, bazalina libonza pete. Kokanisa na bango esili kobunga. Bolingo na bango mpoko ina na bango. Pazua na bango esili nde kobeba. Basali lususu na likambo te kati, na likambo lisali de kosale manansen na moyi. Donc, une fois qu'il a fini son cycle de vie sous le soleil, son petit bébé le fait quatre pèmes aussi. Et que l'homme mort, il est parti. Il n'aura plus jamais part à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est fini pour ce cycle. Car Dieu a encore dit ici dans les psaumes 90. Et nous savons que c'est toujours la vérité de la parole. Dieu a dit ceci. Zambe a le biboye. Au verset 2 et 3, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il fait rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Quand Dieu a dit à l'homme, tu es poussière et tu retournes à la poussière, qui est devenu applicable à tous les hommes qui vivent sur la terre, sous le soleil. Et quand ce cycle de vie est fini, c'est Dieu qui le fait retourner à la terre. Au commencement, c'était un seul homme à qui Dieu a dit cela. Il est poussière, et il retournera la poussière. Mais maintenant la mort s'est étendue à tous les hommes. Et ça concerne tous les hommes. C'est la vérité. Comme il est écrit dans Romains chapitre 5, au verset 12, à 14, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. L'expansion de la mort est partie d'un seul homme du commencement, et elle a atteint tous les hommes de la vie. Côté les bâtiments, c'est bien le bibongo. Na bongo, ma belle, côté qui n'a mon kilimpo, na motomoko. Ça koufa, et côté qui m'pon na ma belle. Koufa m'pe, et palangani, et paï na bâtiments, pour être bâtiments, batala qui ma belle. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. La mort s'est étendue à tous les hommes. Et Dieu les a enfermés dans la désobéissance. Au temps de la loi. Pour faire connaître, faire comprendre à tous que tous ont péché. Et que nul homme ne pouvait se sauver lui-même. Romains chapitre 11, verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ayant désobéi à Dieu, ils ont transgressé la loi de Dieu. Tous les humains l'ont fait. Personne n'est excepté. Tous les humains descendants d'Adam l'ont fait. Depuis Adam jusqu'à Moïse et jusqu'à maintenant. Et il est donné à chacun d'eux un seul cycle de vie sous le soleil. Et pour ça, mais les moutons, pour moi, les moutons, sur la terre des hommes. Et quand ce cycle prend son père la mort, l'homme est parti et c'est fini. Et la Bible dit qu'il n'aura plus peur à tout ce qui se fait sous le soleil. Et celui qui est sincère pour dire amen à la vérité. Dieu le dit, c'est clairement établi. Il n'y a pas un autre cycle à venir pour les humains. Vous avez le même soleil ici. Quand c'est fait, c'est fini. Que la vérité soit ancrée dans vos cœurs. Mais les occultistes, les satanistes, qui pervertissent les vérités du Seigneur et veulent prendre un argument d'autorité dans la Bible. Voilà, nous avons dit qu'ils ont pris Jean 9 au verset 2, ils s'arrêtent là. Mais ils ne veulent pas considérer la réponse du Seigneur à la question qui est au verset 3. Dans Jean 9, verset 2, il est dit, au sujet d'un aveugle de naissance. Un enfant qui est né aveugle. Mais les disciples posent la question à leur Seigneur le Maître Jésus. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Pour qu'il se dise, mais voyez, même les disciples de Jésus croyaient à la réincarnation. Mais comment il s'explique? Parce que les disciples ont posé cette question-là. Au sujet d'un enfant qui est né dès sa naissance aveugle. Mais les disciples demandent à leur maître. Qui a péché pour que cet enfant soit sanctionné par ce péché-là pour naître aveugle? Est-ce le péché de lui-même l'enfant? Ou bien le péché de ses parents? Et ses oglitistes se disent, mais écoutez, si les disciples ont posé une telle question, et que ça concernait les parents, n'importe qui peut comprendre, on peut dire, peut-être que Dieu a appliqué la loi qui veut qu'ils punissent les péchés des pères sur leurs enfants. Mais les parents ont commis un péché, et Dieu punit ce péché sur leur bébé, en faisant naître le bébé aveugle. Alors qu'en réalité, on dit que le bébé était innocent. Il n'était coupable de rien à sa naissance. Mais Jésus naît aveugle parce que les parents étaient ceux qui avaient péché. Et que c'est eux qui ont vécu avant le bébé. Et que Dieu a puni le péché des parents sur ce bébé-là pour le punir les parents. Il dit, ça, c'est ce que tout le monde peut admettre et comprendre. Mais il dit maintenant, pourquoi les disciples ont-ils évoqué la possibilité que ce soit aussi le bébé qui vient de naître aveugle qui ait commis le péché? Quand est-ce que ce bébé qui vient de naître aveugle aurait-il commis le péché pour que la sanction soit la cécité, l'aveuglement de ses yeux dès sa naissance? Pourquoi les disciples pouvaient-ils envisager la possibilité que lui, le bébé qui venait à peine de naître, ait commis des péchés? Dans quel cycle de vie? L'actuel cycle de vie, l'unique qu'il vient de recevoir, où il devait avoir eu un autre cycle avant? Mais certainement que les disciples savaient que ce bébé né aveugle, il y avait des possibilités. Soit ce sont ses parents qui ont péché, et que Dieu a appliqué la loi, et les prophètes ont répété que Moïse avait enseigné que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants, pas sur les enfants de leurs enfants. Mais les disciples savaient aussi qu'à part les parents, l'enfant lui-même qui était à un autre cycle de vie pouvait avoir commis des péchés dans un cycle de vie précédent. Et alors quand il avait vécu autrefois là, il avait péché, Dieu pour le punir, Il dit le prochain cycle de vie, tu vas naître d'abord aveugle. Pour souffrir de ces péchés que tu as commis dans ton cycle. Et puis, il va jusqu'à dire, Dieu pouvait le faire naître aveugle comme ça. Et puis, après ce cycle de vie où il était aveugle, il lui fait grâce de recouvrir la vie. Mais s'il a commis d'autres péchés selon la loi du karma, voilà. Ce qui a la loi du karma n'est pas dans la Bible. Voilà, vous y êtes. Si vous êtes venu dire que les parents ont péché et Dieu voulait punir l'iniquité des pères et les enfants, vous avez pris la loi de Moïse. Mais là où vous dites que l'enfant lui-même pouvait avoir péché, vous prenez quelle référence dans la loi de Dieu pour justifier aussi ça? Allez, karma. Ce karma, surtout. Et même leur fameuse loi du karma, le fondement de ça c'est quoi? Dieu, pour acheter quelqu'un ou pour sauver quelqu'un, il doit mettre dans la balance le bien et le mal qu'il a pratiqué. Et si la quantité, le nombre de mauvaises actions qu'il a commises est plus élevé que le nombre de bonnes actions, le karma est négatif. Alors cet homme ne peut pas aller au ciel. Il doit d'abord revenir dans un autre cycle pour purger ses iniquités, et même sous forme d'un animal ou d'une chauve-souris. Dieu va le punir comme ça, qu'il n'est pas un humain parce qu'il n'était pas digne d'être un humain. Il va le faire naître comme une chauve-souris ou comme un mousseléqueté. Comme ça, vous ne ferez pas beaucoup de mal aux gens. Et puis le karma va continuer à s'améliorer. Donc la balance du bien et du mal s'améliore. Quand vous serez mort comme chauve-souris, Dieu va maintenant voir, peut-être qu'il va vous faire naître comme un mouton. Comme ça, c'est vous qui allez plus subir les injustices, on va vous égorger, manger votre viande et vos pieds. Et puis après, le karma s'améliore toujours. Et Dieu verra maintenant, vous allez naître encore comme un bébé, un nouvel enfant, mais qui sera très doux. Qui sera plus agressif, ni violent. Nzambe akoki kosalete obote mwana moko oyo ya makambo mabete mwana moko bopolo koleka. Tout ça c'est pour nier le salut par la grâce. Parce qu'au fond, ils se disent, on ne peut pas sauver l'homme, l'homme doit se sauver lui-même. Mais ce sont des enseignements des démons. Nous croyons à la grâce salutaire en Jésus-Christ. Nous croyons à l'évangile salutaire de Jésus-Christ. Nous croyons qu'il n'a de salut à aucun autre qu'en Jésus-Christ. Vous direz, mais pourquoi vous venez dire ça à la chair chrétienne? Mais moi, na soki nandako, ma parent, ma zope, c'est éducation responsable et complète, c'est fait. A kokende, koza la sévu, libanda, a kokende, bino, kwa ne vous captivez, et bendiye, a kokende, vous trabino, bino, mana, vous sanga. Nous devons vous dire la vérité tout entière. Amen. Refutez les mensonges. Amen. Na yote, le kolobatete, ah, ne l'on m'obatele, eh, kote, yabiso, ma gamboye, ya bakarma. Zokanda, talisipolelete, soki koboko, la bana nandako. talifa mwana ni kambu nyoso denge zani ayeba malamu yeza na teke yake ndeni banda bakofa yete yebo ayoka makamu sufo ye nana yokate akukanisa mbobole yete mbobote wa banda kukombele makamu toba kosa ye idira kwa mef mefuru kwa adan mwomariri mabefa disa akuloba lokole yete yete bien parle yete mbali nangada malobibu yete yete yete yete yoka malobibu malamu penza nous demoni la verite arache yisanga yete falo bandesa yete ino pour que vous voyez à quel point le mensonge est faux et mauvais. Voilà, ces gens font des amalgames, ils ont leur propre philosophie. L'homme n'est pas sauvé par ses œuvres. L'homme est sauvé par la grâce de son Créateur. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Afin de faire miséricorde à tous. Êtes-vous là? Amen, amen, amen. Regardez. Bon, Ephésiens chapitre 2. Bah, fait voilà ça, comment parle l'évangile de vérité. Verset 1. Verset 6. Il dit. Vous étiez. On va tous converser 8. Hein. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. C'est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois. Selon le convoitise de notre chair. Accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses. Il nous a rendus vivants avec Christ. Écoutez bien, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous, penza nanzela na ngolu. Ça, les occultistes n'y croient pas. Oh, oh, bah, moi, heureusement pour nos âmes, nous y croyons le tout cœur. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans le siècle à venir. L'infinie richesse de sa grâce. Ah, les occultistes n'y croient pas, fort heureusement pour nos âmes, nous y croyons de tout cœur. Dieu démontre ça dans tous les siècles. L'infinie richesse de sa grâce. La grâce de Dieu est réelle, elle existe. La grâce de Dieu est salutaire pour nos âmes. Pour tous les hommes. Qu'ils le veuillent ou non, c'est la vérité. Dis amen. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Répétons-les tous encore verset 8 à votre voix, lisons-les, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Le salut ne vient pas par les œuvres de chacun. Le salut est le don de Dieu dans sa grâce. Même quand il dit qu'il y a les moyens de la foi, mais d'où vous viendra la foi? C'est lui Christ qui suscite la foi. Et c'est lui Dieu qui l'amènera à la perfection. Car nous sommes de la réincarnation des hommes. Et c'est une fausse doctrine. À ce moment-là, on ne se réincarne pas. Que Dieu soit béni. Voilà qui nous a amenés là. Alors que moi je n'avais même pas une telle idée. Oh, presque une heure de la prédication, c'est ça. Entasser la fausse doctrine de la réincarnation. Nous devons refuter les mensonges, refuter les prédicateurs des mensonges, les enseignants des mensonges, pour maintenir la vérité de Dieu parmi nous. Le salut vient par grâce. Et si cela n'était pas suffisant pour t'aider à comprendre et te rasseoir dans la foi, je vais te lire encore dans 1 Timothée, dans Tite chapitre 2. Le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Batignons sur la bomori. Pour la mobile pour moi aussi. Garçons et filles. Vous allez l'aider à mobile pour tous les hommes. Batoubanso. Tous les êtres humains. Batignons sur la bomori. Hein? Oui. Marié et célibataire. Vous allez mobile et libre. Esclaves et hommes libres. Vous allez bon moto. Domestiques ou travailleurs de bureau. La source de salut pour tous les hommes s'appelle la grâce de Dieu. Et quand les incrédules ne veulent pas y croire, nous sommes ici pour reconnaître que cette grâce a déjà été manifestée. Il n'est plus possible de nier ça. C'est trop tard de remettre ça en cause. Parce que Dieu souverain et Dieu sauveur a déjà manifesté la grâce sanitaire. Comme nous avons continué, nous sommes pas mobiles, c'est celui de Kotali. Trop tard pour lui, malheureusement, nous ne pouvons plus ni le suivre ni l'écouter. Que celui qui aime le Seigneur, son âme dise amen. N'écoutons plus ces discours menteurs là. Êtes-vous là? Les êtres physiques ne se réincarnent pas. Vous avez un seul cycle de vie sous le soleil. Quand c'est fini, vous n'aurez plus pas à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est simple. Petit. Et c'est vrai. Alors vendredi, Dieu nous a conduit à parler comment on fait cette situation-là. Autour de la réincarnation du ministère de Jésus-Christ. Amen, amen. Et frère Branham est assez clair. Certains pasteurs et prédicateurs se sont accaparés de pareilles citations pour inoculer des tendances et des croyances occultistes. On a cocotte, il s'appelle Zambono, il y a Matéa, il y a Mabé, il y a Kobenda Kabilimou Mabé. Parlant de la réincarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, de son corps. Kolobé, Koloba Karantina, il y a Komikoti, il y a Katina Moutoumoussou, il y a Nzoto, il y a Kolona de Jésus-Christ. La réincarnation de son corps dans le corps physique de William Branham. Et dans leur folie meurtrière et démoniaque, Ils vont jusqu'à expliquer à leurs adeptes que le corps physique de Jésus-Christ n'existe plus. Ils pensent que son corps physique n'existe plus. Lui-là, il s'est réincarné dans le corps de William Branham. Et que par conséquent, le corps de William Branham, c'est ça le nouveau corps de Jésus-Christ. Et que par conséquent de là, William Branham, c'est le nom nouveau de Jésus-Christ. Mais, tous les gens-là sont des démons dans la chair humaine. Je crois pas qu'une personne qui a une âme et qui craint Dieu puisse affirmer des bêtises pareilles. Chassez-les de vos maisons. Séparez-vous immédiatement. Ne perdez pas le temps. Ce sont des âmes perdues qui sont déjà en prison. Tout ce qu'on a à leur prêcher, c'est leur condamnation. Parce que leur condamnation est déjà confirmée. Hein? Oui. L'écriture le dit dans Jude. Hein? Leur condamnation ne sommeille point. Et quoi ça me depuis longtemps? Oh oui. Je vais lire un peu ici dans les sermons. Le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Et qui est le 25 avril 1965. Les paragraphes 138. Mais il a promis que juste avant la fin des temps, le monde deviendrait comme c'était à Sodom. Quand un homme est descendu sous une forme humaine. Un homme H majuscule est descendu sous une forme humaine. Il était trois. Deux anges et Dieu lui-même. N'est-ce pas? Et Dieu a promis dans Luc 17 qu'il en serait comme ce fut le cas à l'époque de Sodome là. Et qu'est-ce qui s'était passé en ce temps-là? Un homme H majuscule est descendu sous une forme humaine. Mais il était accompagné de deux autres. Et les deux autres c'était deux anges, mais lui-même cet homme H majuscule c'était Dieu lui-même. C'était Dieu. Et la Bible le dit. Bien. Il est descendu. Et il s'est manifesté là. En tournant le dos à la tente où était Sarah. Et en disant à Abraham ce que Sarah pensait dans la tente. N'est-ce pas? N'est-ce pas? L'Assemblée dit Amen. Or, Jésus lui-même a dit, au jour où le Fils de l'homme sera révélé, autrement dit, le Fils de l'homme, le ministère de Jésus-Christ lui-même. Amen. Moi, Nanamoto, le tableau, il y a Jésus-Christ qui est moko. As-tu compris? Amen. Le parallélisme. Entre un homme H majuscule qui est descendu à l'époque de Sodome et Gomorrhe, accompagné de deux autres hommes qui eux étaient deux anges. Mais cet homme-là, H majuscule, était Dieu lui-même. Et le Seigneur Jésus a reproduit qu'il en sera comme à cette époque-là. Donc avant que Jésus-Christ ne revienne sur la terre, ou qu'il ne revienne pour enlever l'église, les missions de l'époque de Sodome et Gomorrhe seront à nouveau réunies. Les situations de Sodome et Gomorrhe se reproduiront. Et c'est Luc 17:30 qui a dit, lui, il est encore au tableau là-bas. Il en sera de même quand le Fils de l'homme sera révélé. Qu'est-ce que cela veut dire? Autrement dit, l'explication de cela, l'accomplissement de cette promesse, ça veut dire le Fils de l'homme, c'est-à-dire le ministère de Jésus-Christ lui-même. C'est son ministère-là qui sera réincarné. C'est son ministère là qui sera reproduit. C'est ce que veut dire Luc 17:30. Ça ne veut pas dire l'homme physique Jésus dont les corps doivent disparaître. Ça ne veut pas dire l'homme physique Jésus qui se réincarne dans l'homme physique Branham. Mais ça veut dire le ministère qu'avait Jésus-Christ lorsqu'il était dans son corps physique, son ministère-là reviendrait dans un prophète. Et nous ne pouvons pas. Musala, Musala ya mo, et Musala makati na Musala. Ne cherchez pas à expliquer ça autrement. Ne cherchez pas non plus à comprendre cela autrement que comme ça. Car le messager de notre temps, il dit autrement dit. Bien en d'autres termes, en des termes plus clairs et faciles à retenir. Le Fils de l'homme dont il est question, dans Luc 17:30, c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Il doit se réincarner dans un homme dans notre temps. Et c'est une des conditions avant le retour de Christ. Alors Jésus lui-même a dit, au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Hein? Le Fils de l'homme qui sera révélé. Autrement dit, le Fils de l'homme. Hein? Le ministère de Jésus-Christ lui-même. Le Fils de l'homme, autrement dit, c'est quoi le Fils de l'homme en question? Ça veut dire le ministère de Jésus-Christ lui-même. C'est ça le Fils de l'homme promis. Et qui devait se manifester ou être révélé en ce temps. Ça veut dire le ministère de Jésus-Christ lui-même. Non pas Jésus-Christ l'homme physique. Mais le travail qu'il faisait, le service divin qu'il avait accompli, le ministère de Jésus-Christ lui-même, et ça qui va se reproduire. Que cela soit clair pour tout le monde, même les enfants de l'école de dimanche. Êtes-vous là? Est-ce que vous aimez ces vérités? Qu'elles vous soient prêchées? Hein? Vous aimez bien ça? Que ces vérités-là vous soient prêchées? J'aimerais lire ici dans la prédication l'adoption. La venue du Seigneur Jésus est tellement proche que l'esprit qui avait commencé ici en bas, juste un peu avec la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant nous sommes juste au temps de la venue de la pierre principale. L'Église doit être si parfaitement semblable à Christ. Que Christ et l'Église pourront s'unir. Christ et l'Église virgule le même esprit. L'Église du Seigneur doit devenir tellement semblable à Christ pour permettre que l'Église et Christ s'unissent. Par quoi? Le même esprit qui était en Jésus-Christ. Le même esprit doit être dans l'Église et reproduire un travail et une vie tellement semblable. Et l'union de Christ, l'homme physique à son retour, avec le peuple physique de son Église qui sera enlevé, soit possible. Mais il doit être d'abord semblable en esprit. Et avoir exactement le même esprit au préalable. Alors il dit, et si l'esprit de Christ est en vous, il vous fait vivre la vie de Christ. Il vous fait mener la vie de Christ. Et il vous fait faire les œuvres de Christ. Quand l'esprit de Christ est en vous, le même esprit, il vous fait mener la vie de Christ. Il vous fait vivre la vie de Christ. Et il vous fait faire les œuvres de Christ. Comme Jean 14, verset 12 a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Pour que celui-là qui croit en lui arrive à faire ces œuvres-là, il doit auparavant recevoir en lui l'Esprit de Christ. C'est Jésus qui l'a dit. Voyez, mais nous allons pas avoir, écoutez, bon, il y a un ministère qui va venir. Il y a un ministère qui va venir et qui reproduira très exactement la vie de Christ. Et qu'est-ce que ce ministère-là identifie? Réponse, la venue du Seigneur. Il y a un ministère qui va venir. Ça c'est au mois de mai 1960. Il y a un ministère qui va venir. Et qui reproduira très exactement la vie de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ce ministère qui va venir va-t-il identifier? Réponse à cette sous-question. Ce ministère-là identifiera la venue du Seigneur. Il indiquera précisément la venue du Seigneur. Il l'identifiera pour l'Église. Un ministère promis. Et c'est le ministère de Luc 17:30. Quand il s'agit là-bas. Les fanatiques de ceci et de cela, calmez vos ardeurs. Vous avez pour spécialité de prendre des citations et d'aller le vouloir les individualiser. À un tel là-bas. Dans le cadre de la guerre de succession après Frère Branham. Sortez de vos confusions religieuses. Ramenez vos pieds sur terre. Nous ne sommes pas encore enlevés. N'allez pas dans des histoires. Gardons la parole dans le sens qu'elle avait quand elle avait été prêchée. Il y a un ministère qui va venir. Et ce ministère-là, c'est l'Église. Devait reproduire. Très précisément la vie de Jésus-Christ. Et quand ce ministère-là viendra, qu'est-ce va-t-il identifier? Il va vous référer à quoi? À la venue du Seigneur. Retenez bien cette vérité. Et moi je demanderai à l'Église, est-ce que son ministère était-il déjà venu du vivant de Frère Branham? Avait-il déjà opéré? Oh, béni soit le Seigneur. Une question est posée. Je vais lire dans